Potager Confiné, une émission pour en savoir plus sur nos fruits et légumes préférés, de la graine jusqu'à la récolte. Bonjour à tous, c'est Julien et je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la tomate. Alors, la tomate est arrivée en France au XVIe siècle après sa découverte en Amérique du Sud. Elle était utilisée à l'origine comme plante d'ornement dans les jardins. On la consomme comme un légume, mais en fait la tomate est botaniquement un fruit. Il faut savoir qu'elle est très riche en vitamines, notamment vitamines C et E, et en minéraux comme par exemple le magnésium et le potassium. Chez nous, on cultive la tomate comme une plante annuelle. On la plante au printemps, elle produit en été, elle meurt de froid en hiver. Mais en fait, la tomate, c'est une plante vivace et elle peut vivre 7 ou 8 ans si le climat lui est favorable. D'ailleurs, le plus grand plant de tomate dépasse les 19 mètres et peut produire 32 000 tomates en une récolte. Il existe plusieurs milliers de variétés de tomates, donc avant d'acheter vos premières graines, renseignez-vous sur quelle variété est adaptée à votre région, à votre climat, et prenez plusieurs variétés de tomates pour voir celles qui marcheront le mieux chez vous. Évitez les graines hybrides F1 si vous souhaitez refaire vos propres semences, puisque les graines de semences F1 ne vous donneront pas une tomate fidèle à celle dont vous avez récupéré les graines. Prenez par exemple quelques variétés précoces pour avoir des tomates assez tôt dans la saison, comme la Stupice, la Glacier, la Satiam, la Red Robin, il y en a plein d'autres. Voilà, histoire d'étaler les récoltes. En fait, grâce au travail de sélection fait par les anciens jardiniers, on a aujourd'hui des tomates qui peuvent pousser dans presque toutes les régions du monde, même en Sibérie. Donc quand vous choisirez vos graines, prenez en compte votre climat et l'origine de la variété de la tomate. Si vous habitez en montagne, où il fait plutôt froid, orientez-vous vers des variétés russes, vers des tomates résistantes au froid et qui produisent rapidement, comme la tomate glacier, la stupice, la cotlas, la northern delight ou la wetland frost resistant. Souvent quand on débute, on veut planter des grosses tomates, genre des cœurs de bœuf, des tomates ananas, des buffalo steak, mais souvent ces grosses tomates sont assez tardives, donc on peut ne pas avoir de récolte avant le mois d'août, ce qui peut être assez frustrant. Donc voilà, semez plusieurs variétés avec des tomates précoces, des tomates de demi-saison et des tomates tardives. En ce qui concerne la taille du plant de tomate, c'est-à-dire la hauteur, en fait il faut savoir que c'est déterminé par la variété. Par exemple, la Red Robin ne dépassera pas les 30 cm, donc ça peut être bien pour de la culture en pot ou sur un balcon si vous n'avez pas de jardin. Voilà, ne prenez pas des tomates dont les plants vont atteindre 4 mètres, ou alors partagez-les avec votre voisin du dessus. Alors, concernant le semis des tomates, les tomates, on les sème en principe début mars, mi-mars, fin mars, même un petit peu en avril. Si on les sème trop tôt, les semis, en fait, ils risquent de ne pas avoir assez de lumière car les journées sont encore trop courtes en février. Et en plus, comme on ne pourra pas les planter avant la mi-mai, c'est-à-dire avant les saines glaces, avant les dernières gelées, dans la plupart des régions, le plant il va rester 3-4 mois en pot et donc il va végéter, il va fatiguer, ce qui va faire que la reprise, quand on va la mettre en pleine terre, sera moins bonne. Donc voilà, évitez de planter trop tôt. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année, j'ai testé d'en planter en février, parce que je me suis fabriqué une cage à semis en fait, avec des néons, qui fait que les tomates, même en février, étaient à l'intérieur avec une bonne température, pour avoir une bonne levée et beaucoup de lumière, comme ça elles ont quand même pas mal levé. Mais c'est pas forcément une bonne idée, voilà, c'était pour tester. Pour que les graines germent en fait, il faut mettre le semis dans un endroit chaud, donc une pièce entre 20 et 25 degrés, et de préférence dans le noir, sinon la germination sera très lente. En fait, il faut que la graine ait l'impression que ça y est, la saison commence et qu'il va faire chaud. On peut semer directement en godet, en mettant une ou deux graines par godet, et on gardera que le plant le plus costaud. Et on peut aussi semer à la volée, c'est-à-dire dans des barquettes. Une bonne technique, c'est de récupérer les barquettes en polystyrène qu'utilisent les poissonniers. Donc dans les supermarchés ou chez votre poissonnier favori, en principe ces barquettes, ils les jettent, donc vous pouvez récupérer ça gratuitement. Et en plus, c'est assez léger, pour transporter, c'est pratique. Une fois que vos graines ont germé, il faut mettre vos semis dans un endroit très lumineux pour qu'elles aient un bon feuillage et soient costauds. Une serre froide peut faire l'affaire, mais il ne faut pas que la température descende en dessous des 5 degrés la nuit. Sinon, le plant va galérer à pousser et voilà, il risque d'être assez faible. Si vos plants n'ont pas assez de lumière, ils vont faire ce qu'on appelle du filage. Ils vont filer, c'est-à-dire que la graine va développer une longue tige toute fine parce qu'elle va chercher désespérément à se rapprocher de la lumière. Et ça va vous faire un plant fragile. Il faut également qu'elles aient quelques heures de soleil direct sur le feuillage, pour pas que le feuillage crame quand le plant va se retrouver dehors pour la première fois. Donc voilà, vous pouvez les sortir. Alors au début, on va dire une heure dehors, mais pas en plein soleil. Ensuite 2 heures, 3 heures. Faut y aller progressivement. parce que si le feuillage crame, le plant mettrait du temps à s'en remettre et il perdrait beaucoup d'énergie en fait. Donc voilà, on peut sortir les tomates la journée par exemple, progressivement comme je vous l'ai dit, et les rentrer la nuit au chaud. Voilà, moi c'est ce que je fais, j'ai mis tout ça dans des grandes caisses et je les rentre pour qu'elles passent la nuit au chaud à l'intérieur. Si vous avez fait votre semis en barquette, vous allez pouvoir repiquer vos tomates quand vous verrez apparaître ce qu'on appelle les vraies feuilles, c'est-à-dire que quand la graine va germer, elle va faire deux fausses feuilles qu'on appelle des cotylédons. C'est juste des feuilles qui sont là pour faire les premières photosynthèses. Et ensuite, vous allez voir les vraies feuilles de tomates que vous reconnaîtrez, parce que la feuille de tomate, on la connaît tous. Et donc, ça va être le moment de les repiquer donc dans des godets individuels. C'est-à-dire qu'on va prendre chaque petit plant pour le mettre dans un petit godet de 8 ou 10 cm pour qu'il ait la place de se développer sans être gêné par les autres. Par contre, évitez le soleil direct les deux jours qui suivent le repiquage. Parce que c'est une période où le plant a besoin de refaire des racines dans son nouveau terreau, donc il a besoin qu'on le laisse un petit peu tranquille. Ensuite, à partir de la mi-mai, normalement vous pourrez planter vos premiers plants de tomates en pleine terre. Il est possible qu'entre temps les plants aient un petit peu jauni car ils n'ont plus assez de nutriments dans leur petit godet, donc il peut être intéressant de faire un petit arrosage avec un purin d'herbe, un purin d'ortie par exemple, que vous pouvez faire fait maison avec ce que vous avez dans le jardin, pas obligé d'avoir des orties, c'est pas indispensable, la tomate s'en remettra une fois en pleine terre. Et si vous faites du compost, c'est encore mieux, vous pouvez mettre un petit peu de compost en haut du godet pour que lors de l'arrosage, les nutriments contenus dans le compost vont descendre dans le godet et ça va nourrir le plant. La plantation en pleine terre, elle se fera fin mai dans la plupart des régions. Vous pouvez les planter début mai si vous mettez un voile de protection par-dessus. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, ça peut être soit un voile de forçage si vous en avez, mais n'en achetez pas exprès si vous en avez pas gratuitement. Par exemple, vous pouvez utiliser un drap blanc, ça fera tout à fait l'affaire. Donc, vous mettez des piquets, vous mettez un drap, ça fait une espèce de sorte de tente au-dessus des plantes tomates. Et puis, ça va permettre d'éviter qu'il y ait trop froid la nuit. Et puis par contre ce drap blanc, contrairement à un voile de forçage, il faudra le sortir le matin et le remettre le soir. Sinon ça laissera pas passer assez de lumière dans la journée. Alors concernant la disposition, ne mettez pas tous vos plants en pleine terre en même temps. Mettez-en début mai, mi-mai, fin mai, on n'est jamais à l'abri d'une bonne gelée tardive qui peut faire très mal à vos plants. Donc voilà, si jamais vous en perdez, au moins vous avez des plants de secours. Et si ils gèlent pas, c'est pas grave, les plants de secours, vous pourrez quand même les planter, ça ira très bien. Ne mettez pas non plus tous vos plants de tomates au même endroit, car s'il y a un parasite, une maladie qui s'attaque à un plant, il aura très facilement accès à tous les autres plants et il risque de tout envahir. Voilà, donc ça c'est espacer vos plants, séparer-les par d'autres cultures, par des tournesols, du maïs, des trucs assez grands quand même, parce que en principe les plants de tomates montent assez haut. Moi la technique que j'ai trouvée qui m'a l'air très bien, que je vais tester là cette année, c'est de les séparer par des amarantes. L'amarante ça monte assez haut et c'est une plante qui a pas de maladie. C'est hyper intéressant, en plus je ferai peut-être une chronique là-dessus. Le feuillage se mange, c'est la famille des épinards, et c'est un truc des plus riches qui existent, le feuillage de l'amarante. Je crois qu'il y a genre 40 fois plus de vitamine C que dans la tomate, enfin, c'est des chiffres incroyables. Et puis en plus c'est hyper joli, ça fait beaucoup de graines, donc on peut les ressemer, se refaire des graines gratos pour l'année d'après. Donc voilà, mettez un plant de tomate, un plant d'amarante, espacez les cultures. Également, lors de la plantation en pleine terre de vos petits plants de tomates, il est intéressant de les planter plus profondément que ce que faisait le godet, c'est-à-dire d'enfoncer le plant un peu plus que ce qu'il l'était, mais de mettre plus de racines en terre, et un petit peu incliné en fait, pour que la tige produise des racines. Ça vous fera un plant plus enraciné et donc plus résistant. La tomate c'est aussi une culture assez gourmande, donc il peut être intéressant de mettre du compost à l'endroit où vous allez les cultiver, mais pas trop non plus, parce qu'un sol trop riche, ça ferait un plant plus vigoureux qui aurait besoin de plus d'eau et ferait une sève plus riche, et du coup qui pourrait attirer des acariens et des pucerons. Donc voilà, 2-3 poignées de compost par plant, c'est largement suffisant. L'exposition du plant de tomate au soleil, ça dépend de la région en fait. Si vous êtes dans une région faible ensoleillement, il vaut mieux les mettre en plein soleil. Dans le sud de la France, on va plutôt privilégier la mi-ombre, parce que nous, à chaque fois, on se prend des énormes canicules, des longues périodes de sécheresse, et les plants, ils peuvent vite cramer au soleil s'il fait vraiment trop chaud. D'ailleurs, pour rendre vos plants de tomates le plus rapidement autonomes en eau, en fait, il faut faire de gros arrosages lors de la plantation en pleine terre. pour que l'eau pénètre profondément dans le sol et que les racines suivent l'eau en fait, en quelque sorte. Si vous faites juste des petits arrosages un petit peu tous les jours, bah, l'eau va rester en surface et la racine aussi, du coup. Ce qui produira un plant moins résistant à la sécheresse, car il n'aura pas de racines profondes capables de remonter de l'eau en cas de besoin. Donc voilà, il vaut mieux faire des gros arrosages peu fréquents. Pour rendre vos tomates autonomes. Vous n'aurez peut-être même pas besoin d'arroser de l'été si votre sol est bien paillé. Quand on dit bien paillé, c'est 30 cm. Hein. Le paillage, en fait, il va éviter que la terre sèche trop vite. Car quand la terre sèche, on a tendance à beaucoup arroser, ensuite elle va ressécher, on va re-arroser, alors que le paillage va garder une humidité. Parce que si on arrose mal comme ça, avec trop d'alternance entre du sec et de l'humide, la tomate peut attraper ce qu'on appelle la nécrose apicale ou la maladie du cul noir. Donc ça fait une tomate avec un cul noir. À cause de cette alternance entre sec et humide, la tomate a du mal à attraper le calcium et son cul devient tout noir. En plus, le fait d'habituer les tomates à la sécheresse et de refaire ses semences à partir de ces mêmes plantes qu'on a habituées et qui ont subi des sécheresses rendra vos tomates naturellement résistantes en quelques générations, donc quand vous refaites avec vos propres graines, et donc plus productives malgré des conditions parfois difficiles. L'arrosage y joue également sur le goût. Une tomate qui a été trop arrosée, elle n'a pas assez souffert et du coup elle a un goût moins prononcé et moins bon, moins sucré qu'une tomate qui a dû un petit peu se battre et galérer pour résister. Et trop d'arrosage peut également faire éclater la peau des tomates. On va aussi éviter de mélanger les tomates avec des plantations de la même famille, c'est-à-dire d'autres solanacées. On va éviter de les mélanger avec des aubergines, des poivrons, des pommes de terre. On va plutôt les planter et les mélanger avec des maïs, des basiliques, des aromatiques et des amarantes, comme je l'ai dit plus tôt. Ne taillez vos tomates que si c'est nécessaire, c'est-à-dire si elles manquent de lumière, voilà, pour éclaircir les feuilles, pour en laisser passer plus, car si elles poussent d'une certaine manière, en fait, c'est pas pour rien. Une taille, il faut savoir que c'est une plaie dans votre plant, et donc une ouverture pour les maladies. Effectivement, le fait de les tailler, ça peut les rendre plus précoces et très productives, car la plante a l'impression en fait d'être en train de mourir, donc elle va se mettre à énormément fructifier pour se reproduire. Mais bon, voilà, c'est quand même un risque d'avoir des maladies. Pour faire vos propres semences de tomates, il y a quelques trucs à savoir en fait concernant la pollinisation ou les hybridations. En général, les tomates, elles se fécondent toutes seules et elles vont pas s'hybrider avec les plants d'à côté. Mais pour être sûr de pas avoir d'hybridation ou de pollinisation croisée, on va les espacer d'environ 3 mètres. En fait, la fleur de la tomate, elle est hermaphrodite et autoféconde, et les organes reproducteurs sont contenus dans un petit tube auquel les insectes n'ont pas accès. Et en plus, c'est une fleur qui ne produit pas de nectar, donc il y a très peu d'insectes qui s'y intéressent. Pour se féconder, en fait, la fleur de tomate, elle a juste besoin d'un petit courant d'air. Seules exceptions, les tomates bleues où le pistil dépasse de la fleur. Pour faire ces semences, en fait, il suffit de récupérer les graines de vos tomates préférées, celles que vous avez le plus aimées, mettre les graines avec la pulpe dans un bocal, par exemple, un bocal en verre avec de l'eau, et au bout de quelques jours, ça va commencer à fermenter, et vous allez avoir une gelée blanche qui va se former en haut du pot. Vous pouvez filtrer tout ça et ne garder que les graines que vous allez faire sécher. Ensuite, il faudra les mettre dans un sachet hermétique à la lumière et à l'abri de la chaleur. Et vous pourrez garder vos graines plusieurs années, 6 ans, voire jusqu'à 10 ans pour certaines. Voilà, également, garder les graines des plantes les plus vigoureuses et en meilleure santé. C'est comme ça qu'on adapte une tomate, un terroir, et c'est grâce à ça qu'on réussit à adapter une plante à son jardin, en fait. C'est comme ça qu'on a pu adapter les plantes d'Amérique du Sud à ce qu'elles poussent dans le monde entier en reproduisant les graines des plantes qui marchent le mieux. Ensuite, en fin de saison, les tomates elles vont mourir. Dans nos climats, c'est comme ça que ça se passe, et il suffira de couper en fait les tomates, les plantes tomates à la base. On laisse les racines dans le sol pour nourrir le sol et pour nourrir la vie qu'il y a dans ce sol. Et on dépose le plant directement sur le sol pour faire un paillage et de la matière organique qui va se décomposer, nourrir et enrichir le sol. Et j'ai oublié de parler du tutorage des plantes tomates, donc vous pouvez utiliser de la ficelle, du grillage, fabriquer des espèces de tipis en bois avec de la ficelle, ou également utiliser des plantes grimpantes, genre des hippomées, qui en fait vont se charger d'attacher la tomate au tuteur en grimpant sur le plant de tomate. Voilà, ça peut être un truc sympa à faire. Voilà, mais je pense que vous savez tout sur la tomate et sur sa culture, donc voilà, vous n'avez plus qu'à vous trouver, à vous procurer des petites graines de tomate. Et à vous essayer. Le bon potager confiné. Une émission pour en savoir plus sur nos fruits et légumes préférés, de la graine jusqu'à la récolte.